Nakuim wa neba don furu ikina kala akeke unko bambante Nakuim wa neba don furu ikina kala akeke unko bambante iwora merila iko wi kadon konyogona Alibi aiduma sankele nanase Dites-moi comment je vais m'en sortir Oh dites-moi comment je vais m'en sortir Oh ça t'apprendra bien choisi Ça t'apprendra bien choisi Imason katoneta Imason katoneta Je t'ai conseillé si tu veux te marier De bien chercher pour que ça dure toute une vie Aussitôt à la mairie t'as dit oui La lune de miel est écoulée Tout va bien De 6 mois, tout va bien. Au bout d'un an, dites-moi comment je vais m'en sortir. Oh, dites-moi comment je vais m'en sortir.